Martin Numa, roi des policiers, par Léon Sazy. Chapitre 1er. Le mimosa du disparu. Les guichets du Crédit Bordelais étaient fermés, les clients partis. Les employés finissaient leurs comptes, préparaient leurs feuilles de caisse, pour à leur tour quitter le grand établissement financier du boulevard des Italiens. C'était jour d'échéance. Les garçons de recette, rentrés de leur tournée, remettaient aux divers guichets leur encaissement, naturellement plus important que d'ordinaire. Le chef du service des encaissements, M. Defel, vérifiait les feuilles de recette, y apposait sa signature. Les encaisseurs, un à un, leur pénible journée terminée, s'étant mis en règle, allaient dans leur box, leur petit bureau, ranger les reçus, préparer le service du lendemain, enlever leur uniforme et revêtir leur veston de ville pour se retirer. M. Defel appela. « Vidal, Vidal, apportez-moi votre feuille, je n'attends plus que vous. » Des collègues crièrent. « Vidal, hé, Vidal, Éloi, dépêche-toi, M. Defel te réclame. » Quelques-uns dirent en riant, « Il a dû s'embrouiller dans ses additions ou s'endormir sur ses fiches. » Son vieux camarade Dubois vint frapper à la porte du box. « Éloi, dit-il, on s'en va, mon vieux, on ferme. » Mais le caissier à qui Vidal devait remettre l'encaissement de sa tournée vint dire à M. Defel, « Je n'ai pas vu Vidal. Il ne m'a pas remis sa sacoche, ses comptes. » M. Defel tressaillit. « Comment, vous n'avez pas vu Vidal ?»« Non, M. Defel. Généralement, il était un des premiers à faire son versement. Mais je sais que sa tournée était aujourd'hui exceptionnellement chargée. Je pensais qu'il achevait de vérifier ses comptes avant de passer à mon guichet. J'étais occupé avec les autres encaisseurs. J'attendais. Mais puisque vous l'appelez, je dois vous dire cela. » M. Defel, très pâle, se leva. « Voyons chez lui, » dit-il. « Le pauvre homme, fatigué, s'est peut-être endormi. » On ouvrit la porte du bureau de Vidal. Tout y était rangé comme depuis de nombreuses années on avait l'habitude de le voir, méticuleusement, militairement. La petite table était dégagée devant elle, la chaise attendait en place. À une patère pendaient le veston et le pardessus de ville avec le cache-nez. Au-dessus, le chapeau. Rien n'indiquait que Vidal était venu ici. Machinalement, M. Defel regarda sa montre. À 7 heures, de toute façon, il devrait être rentré. Maintenant, employés, encaisseurs, caissiers, tout le personnel se tenait anxieusement autour de M. Defel, redoutant un malheur dont nul n'osait encore parler. L'audace des bandits grandissait. Plusieurs encaisseurs à Paris, en province, ces derniers temps, avaient été dévalisés. Vidal était âgé, on pouvait tout craindre. « Attendez, mes amis, » dit M. Defel, essayant de remonter le moral du personnel, « ne nous alarmons pas encore. Quoiqu'âgé, Vidal est très robuste, solide. Il connaît son métier, ne se laisserait pas entraîner dans un guet-apens. S'il y avait eu accident ou attaque sur la voie publique, la police nous aurait déjà prévenus. De plus, Vidal avait la tournée la plus sûre, dans les rues les plus fréquentées, en plein Paris. Les rues Lafitte, Le Pelletier, de Châteaudun, Lafayette, jusqu'à la chaussée d'Antin. Il y a là toujours un grouillement de monde. Logiquement, un coup est impossible. « C'est vrai, » dit-on. « C'est exact. » M. Defel reprit. « Attendez. J'ai la liste des clients chez qui Vidal devait passer aujourd'hui. Nous allons leur téléphoner. Quelques-uns à 7 heures seront fermés, mais nous en trouverons d'autres encore ouverts. Ils nous renseigneront. » Dans son bureau, M. Defel téléphona et fit en même temps téléphoner dans d'autres postes sur d'autres lignes. Il y eut naturellement quelques « on ne répond pas », mais aussi des réponses qui permirent de suivre Vidal presque dans toute sa tournée. Un de ses derniers encaissements avait été fait près de la chaussée d'Antin, presque à l'heure où il aurait dû rentrer. Mais ces constatations ne rassurèrent personne, au contraire. Une disparition si tardive et si près, en somme, du crédit, on trouvait cela encore plus inquiétant. « Attendez, » dit encore M. Defel, « il se peut... Voyons, c'est dans les choses possibles que Vidal, fatigué, indisposé, soit remonté chez lui se reposer, se réconforter. Il a fait ses comptes là-bas, tranquillement, et il va nous arriver en s'excusant. » Ces paroles d'espoir ne trouvèrent pas d'approbation. « Non, M. Defel, non. Vidal est trop homme de devoir. Il sait que nous l'attendons, que nous sommes inquiets. Il nous aurait déjà fait prévenir. » C'était là l'opinion générale. « Bien, » dit M. Defel, Nous devons nous en assurer. Vous, Dubois, qui connaissez sa femme et sa fille, vous, son vieux camarade, voulez-vous aller voir, adroitement, si Vidal est chez lui? Prenez un taxi, revenez au plus vite. Dubois, aussi rapidement qu'une voiture peut rouler dans l'encombrement des rues de Paris, se rendit chez son vieil ami. Il trouva la bonne et digne Madame Vidal, qui, absolument tranquille, achevait de préparer le repas du soir, attendant son mari comme d'habitude. Il vit la fille de Vidal, sa joie, son orgueil, qu'il avait connue tout enfant, et qui devait sous peu se marier, qui, de retour de son atelier, attendait aussi, toute joyeuse, son père qu'elle adorait. Dans cet intérieur modeste et loyal, tout était confiance, affection, bonheur. « Ah, monsieur Dubois, s'écria-t-on joyeusement, en lui faisant un cordial accueil, quel bon vent vous amène !» Dubois, hélas, avait compris, il savait, mais aussi naturellement que possible, il répondit « Voilà, j'ai manqué Vidal au bureau, je croyais le rencontrer ici. Papa n'est pas encore rentré, y a-t-il une commission à lui faire ?»« Pas bien grave, un petit service à me rendre demain. » »« Attendez-le, vous dînerez avec nous. » »« Merci, pas moyen, ma femme serait inquiète. Mais voulez-vous dire à Vidal de venir me retrouver après dîner à notre petit café ?» comme d'habitude, si vous lui en donnez la permission. » La mère et la fille se mirent à rire. « Oui, s'il a été sage, mais ne le gardez pas trop tard. »« Non, quelques belotes, et je vous le renvoie. » Dubois, essayant de rire, malgré son cœur angoissé, serra la main de Madame Vidal et embrassa la jeune fille. Il sortira, pensant « Ah, les pauvres gens, si heureux, qui vont tout à l'heure pleurer. » Il revint au Crédit Bordelais rendre compte de sa mission à M. Defel. Maintenant, l'alarme était donnée. Cependant, M. Defel ne voulut pas tout de suite prévenir la police. Il voulait encore garder cet espoir, maintenant logiquement invraisemblable, que Vidal, pris peut-être par une indisposition, s'était attardé chez un client ou réfugié dans un café pour se remettre. Peut-être Vidal ne voulait-il pas encore, par amour-propre, professionnel, faire connaître son état, mais il allait se rétablir rapidement. On devait sous peu le revoir à la banque. Alors M. Defel dit au personnel de ne rien changer aux habitudes de la maison, de finir le travail et de se retirer comme de coutume. Mais il recommanda à tout le monde de garder sur cet événement le plus absolu secret. Il chargea Dubois de passer une autre fois chez Vidal après dîner, puis de venir le retrouver ici, dans son bureau, au crédit. Trois autres encaisseurs se mirent à la disposition de M. Defel pour refaire, en se partageant en trois secteurs, la tournée de Vidal. On finira bien par apprendre quelque chose. À cette heure, dit M. Defel, les clients qu'a dû voir Vidal dans la journée ou sont partis ou ont fermé leur magasin. Il en restera probablement quelques-uns qui pourront mieux nous renseigner que tout à l'heure par téléphone. Enfin, on verra. Faites donc, je vous remercie. Et revenez me tenir au courant. » Les encaisseurs dévoués partirent aussitôt. M. Defel termina sa tâche quotidienne. Il alla dîner rapidement dans un restaurant voisin, où un des hommes de garde devait venir le prévenir tout de suite s'il y avait du nouveau. Mais M. Defel eut tout le temps de dîner sans être troublé. Il revint à son bureau, cette fois dans une extrême anxiété. Les trois encaisseurs l'attendaient. Ils avaient fait une course inutile, il n'avait rien appris de plus que ce que l'on savait déjà. Dubois arriva peu après. « Vidal n'est pas rentré, » dit-il seulement. Il n'y avait plus maintenant à douter. Un malheur était arrivé à Vidal. Dans le bureau pesa un lourd silence. « Mon brave Dubois, » reprit enfin M. Defel, « vous allez, il faut s'y décider à présent, vous rendre chez le commissaire. Vous lui demanderez de bien vouloir venir me voir au plus tôt. » Il me demandera pourquoi. Faut-il le lui dire? Dites-lui tout simplement que votre camarade Vidal n'est pas rentré de sa tournée. » Dubois était parti depuis 10 minutes à peine, qu'un garçon de service vint annoncer à M. Defel que M. Sylvain, futur gendre de Vidal, demandait à lui parler. M. Defel le reçut immédiatement. C'était un homme d'allure intelligente, d'aspect sympathique. Il semblait très ému. « Vidal, mon futur beau-père, n'a pas encore paru à la maison. Je viens aux nouvelles. » M. Defel lui dit « Vous êtes homme, je puis vous dire ce qui est. Voici la vérité. Vidal avait aujourd'hui une tournée exceptionnellement chargée, de gros encaissements à faire. Nous ne l'avons pas revu. Vidal a disparu. Jusqu'à présent, on ne nous a signalé ni accident ni attentat. Un de ces deux événements ne pouvait cependant passer inaperçu dans le secteur fréquenté de Vidal. C'est tout ce que nous savons. Il ajouta. Peut-être Vidal souffrant a-t-il été emmené dans un hôpital qui ne nous a pas encore prévenu. C'est notre seul espoir. Nous allons faire ouvrir une enquête. Veuillez donc remonter auprès de Madame Vidal, de sa fille, rassurez-les. Un attentat est matériellement impossible. Donnez-leur confiance. Dès que nous saurons quelque chose, je vous ferai prévenir. Monsieur Sylvain sortira, lui aussi, maintenant persuadé qu'un malheur était arrivé à Vidal. Il se vit chargé de la mission douloureuse, non de réconforter la femme et la fille du disparu, mais de les consoler. Le commissaire de police arriva sur ces entrefaites. Il était maintenant près de minuit. Monsieur Defel donna au commissaire tous les renseignements pouvant lui être utiles. Vidal est un de nos plus anciens employés, père de famille, d'une conduite exemplaire, hors de tout soupçon. Les clients qu'il devait voir dans sa tournée sont tous connus de notre administration. Parfait. De mon côté, mes agents ne m'ont signalé aujourd'hui aucun attentat sur la voie publique et aucun accident. Donc, c'est une enquête à ouvrir sur la disparition mystérieuse de l'encaisseur Vidal. Nous allons faire le nécessaire. Cette affaire qui commençait ne put être portée au rapport du matin et mise au communiqué de la presse. Elle ne devait pas paraître dans les journaux de midi. Mais tout de même, j'en avais eu vent. Je comptais dès la première heure me mettre en campagne et faire un sensationnel reportage. Comme j'entrais à la sûreté pour me documenter, dans un couloir je fis la rencontre de mon ami, le célèbre détective Martin Numa, qui allait sortir avec ses deux lieutenants, Prosper et Philippe. En m'apercevant, Martin Numa leva les bras en l'air joyeusement et s'écria « Naturellement, voilà Courville. Personne à Paris ne sait qu'il y a cette affaire, mais lui, il est déjà au courant. » « Mon cher, reprit Martin Numa, je finis par envier votre flair de reporter. Vous êtes extraordinaire. Oh, tout de même, pas tant que vous voulez le dire. Mais si. Une fois de plus, vous arrivez quand une affaire n'est pas encore commencée. Une fois de plus, vous êtes au courant d'une affaire que personne ne connaît. Vous parlez de la disparition de l'encaisseur Vidal, du Crédit Bordelais? Parfaitement. Vous venez, n'est-ce pas, pour savoir ce qui est arrivé à ce brave homme? Tout simplement. Bon, mais nous n'en savons encore rien. Je viens seulement à l'instant d'être chargé de cette affaire qui, dès maintenant, me semble assez curieuse. Je vais de ce pas commencer mon enquête, et naturellement encore j'emmène mon ami Courville. Ça, c'est gentil, merci. Pas de merci, on ne se sépare pas d'un ami comme vous, doué de tant de flair. Martin Numa me prit par le bras et m'entraîna de sa poigne solide. Il me fit monter dans le fond de sa voiture qui attendait devant la porte. Il s'assit à côté de moi. Sur les strapontins devant, Prosper et Philippe prirent place. Dès que la voiture au moteur puissant se mit en marche, Martin Numa roula une cigarette et commença à fumer en silence, tout en regardant par la portière le spectacle de la rue, pensant certainement à toute autre chose qu'à ce que ses yeux apercevaient. Je savais que jamais il ne fallait poser de questions à Martin Numa, cela le désobligeait énormément. Quand il voulait dire quelque chose, il parlait sans qu'on l'interrogeât, mais quand il ne voulait rien dire, toute question demeurait inutile et rien ne parvenait à rompre son silence. Je devais donc attendre patiemment qu'il voulût bien parler. Et dans mon coin de voiture, je fumais aussi, silencieusement, ma cigarette, tout en regardant de mon côté dans la rue. Le Crédit Bordelais se trouve au boulevard des Italiens. Sa façade prend une partie du boulevard, une de ses ailes forme un côté de la rue Lafitte et son escalier monumental donne rue Taitbout. Sur cet escalier, de même que sur le boulevard, des curieux stationnaient. La disparition du garçon de recette n'avait pas été cachée plus longtemps aux clients. L'arrivée du commissaire de police du quartier, puis maintenant celle des inspecteurs de la sûreté, ne pouvait que surexciter la curiosité des badauds parisiens sans cesse en éveil. Martin Numa fut reconnu dès qu'il sauta de sa voiture. Son nom se trouva sur toutes les lèvres, et on le salua sympathiquement quand il gravit les marches de l'escalier. Martin Numa est très populaire. Il a été mêlé à tous les grands drames à sensation de ces dernières années. Le public suit avec émotion, avec angoisse, son enquête, s'intéresse prodigieusement à sa façon de procéder, à sa méthode de recherche, à l'ingéniosité de ses moyens. Il aime son audace, sa bravoure, son sang-froid à toute épreuve. Pour le public, Martin Numa est comme un grand premier rôle, idole de la foule, que l'on acclame avec enthousiasme quand, après des péripéties sans nombre, il sort vainqueur de toutes les embûches, de tous les dangers dont son chemin a été parsemé. Et vraiment, on l'eût applaudi de tout cœur quand il parvenait, comme au dernier acte d'un grand drame, à jeter au pied du tribunal le coupable ou à faire triompher la justice. On connaissait Martin Numa. Les journaux, bien souvent, avaient donné son portrait, reproduit son masque énergique, caractéristique. On aimait son courage. Son intelligence et la dignité de sa vie, toute de travail, de dévouement à la cause du bien, lui valaient la sympathie générale, la sympathie des honnêtes gens, autant que la haine des malfaiteurs. En le voyant descendre de voiture, monter les marches du Crédit Bordelais, la foule eut ce frémissement que l'on éprouve au premier coup d'une émotion, à l'annonce d'une joie. Il semblait, dès ce moment, à tous ces gens anxieux, que la toile se levait et que la pièce passionnante allait commencer. « Martin Numa s'occupe de cette affaire, pensait-on, donc elle est sérieuse, grave. Avec lui, on va goûter des sensations de terreur, d'angoisse. On va vivre un beau drame. » La foule, par avance, lui manifestait sa reconnaissance, car elle savait que Martin Numa allait donner amplement satisfaction à son ardente soif d'émotion. Sur le passage de Martin Numa, on s'écarta, lui faisant une haie pour qu'il gagnât plus rapidement la petite porte ouverte dans la grille monumentale et devant laquelle deux agents se tenaient. On nous fit, car j'ai pu, grâce à Martin Numa, bien que seulement journaliste, pénétrer avec Prosper et Philippe dans la banque sévèrement consignée à tout le monde, on nous fit pénétrer, dis-je, dans le grand hall qui, d'ailleurs, se trouve presque immédiatement après la porte d'entrée. Le directeur de la banque, M. Robin, les sous-directeurs écoutaient les explications que leur donnait le chef du service des encaissements, M. Defel. Quand Martin Numa parut, M. Defel fut mis à la disposition du détective pour lui fournir tous les renseignements dont il aurait besoin et pour le seconder autant qu'il serait possible dans son enquête. « Éloi Vidal, dit M. Defel à Martin Numa, pour la première fois depuis de longues années, n'est pas rentré de sa tournée à l'heure réglementaire et n'a pas encore donné signe d'existence à cette heure tardive. « Éloi Vidal est venu hier matin ?» demanda Martin Numa. « Comme tous les jours, à heure fixe, car il a gardé ses habitudes d'exactitude militaire. Il est venu changer ses vêtements de ville contre son uniforme bleu à boutons d'argent. Il a pris sa sacoche vide et son portefeuille plein d'effets. Puis il s'est mis en route pour sa tournée. C'est un 15, jour d'échéance. L'encaissement qu'il devait faire était sans doute lourd, très lourd. Le chef comptable vient de me donner le chiffre des recouvrements à effectuer par Vidal, 150 000 francs. C'est assez élevé. Quel est le périmètre à peu près qui constitue la tournée de Vidal? En tant que doyen de nos garçons de recette, Vidal était titulaire du quartier le plus riche et le plus commode. Sa tournée, selon l'expression du métier, allait de la rue Lafitte à l'Opéra, de la Trinité à Notre-Dame-de-Lorette. Bien. Depuis longtemps, Vidal faisait cette tournée. 10 ans, environ. Il a présenté des effets à tous les négociants de ce quartier d'affaires. Les magasins ont tous reçu souvent sa visite. Toutes les maisons de commerce connaissaient le père Éloi, ainsi que familièrement on l'appelait. Bien. Vidal avait déjà naturellement opéré des encaissements aussi élevés que celui d'aujourd'hui. Plusieurs fois. Il en fit même de plus forts. Donc, il n'a pu, à votre avis, être séduit par la somme. Oh non! Nous pouvons ici tous répondre de l'absolue honnêteté de ce vieux et fidèle serviteur. Éloi Vidal est un ancien sous-officier qui, avec d'autres décorations, porte fièrement la médaille militaire. L'attrait de l'argent n'a aucune prise sur lui. C'est un homme ponctuel, exact, scrupuleux, désintéressé. Il est sobre, de mœurs simples, bon père de famille, vivant en parfaite intelligence avec sa femme, heureux chez lui, n'appréciant que le bonheur familial, Il allait sous peu marier sa fille. « Ah !» fit Martin Numa. « Vous connaissez son futur gendre ?»« Nous savons qui est M. Sylvain. Un comptable dans un grand magasin de nouveautés, où la fille de Vidal est vendeuse. Les renseignements sur le futur gendre sont bons. D'ailleurs, Vidal n'aurait jamais donné sa fille à un homme qui n'eût pas présenté les garanties suffisantes de loyauté et d'honneur. Parfait. » Martin Numa garda un moment le silence, puis il demanda à M. Defel. « Vous n'avez pas cru au crime, tout d'abord ?»« Non. Vidal est, quoique assez âgé, robuste encore. Nous avons pensé qu'il avait dû avoir une faiblesse, que sous le poids de la fatigue, il s'était trouvé indisposé. On eut dans ce cas aussitôt prévenu la banque. C'est très juste. Nous avons espéré que Vidal s'était fait reconduire chez lui. Et chez lui ? Chez Vidal, on ne savait rien. Nous écartons le cas de malaise, de faiblesse, de maladie soudaine, dont à cette heure, forcément, on aurait connaissance. Nous nous trouvons en présence de deux hypothèses, celle de la fuite avec l'argent, celle du crime, de l'assassinat. Je vous ai dit, monsieur, qu'ici nous ne pouvons admettre la fuite. Connaissant l'homme, une pareille déchéance nous paraît inadmissible. On en a vu de plus surprenante, fit Martin Numa. Sans doute, mais dans quel but? Pourquoi Vidal aurait-il tout à coup brisé avec son passé d'honneur? D'un autre côté, dit Martin Numa, vous avez reconnu qu'un attentat, qu'un crime de cette sorte, serait difficilement mis à exécution dans ce quartier. Je l'avoue. Alors, à quelle raison plausible doit-on attribuer logiquement la disparition de l'encaisseur Éloi Vidal? À cette question, ni M. Defel ni personne ne trouva de réponse. Mais une angoisse extrême saisit tous ceux qui assistaient à cette enquête. Il y eut là un moment de forte émotion, de terreur même, d'effroi. La perspective atroce de l'assassinat venait d'apparaître aux yeux de tous. Et dans ce hall maintenant silencieux, sur tous ces gens de dévouement, d'honnêteté, de devoir, il sembla que le froid de la mort passait, et que parmi eux se trouvait l'ombre du malheureux collègue assassiné. Chacun eut cette douloureuse sensation que le crime venait d'entrer dans la maison. Et je vis ces hommes, chefs et subalternes, se regarder entre eux avec angoisse. L'effroi se trouvait dans tous les yeux. Cependant, Martin Numa, toujours calme, comme impassible, reprit. « Nous devons donc, messieurs, ne pas perdre de temps et nous tirer au plus tôt de cette anxiété. Il faut savoir sur quel terrain marcher. Il faut établir d'une façon prompte et irréfutable celle des deux hypothèses à laquelle nous serons forcés de nous ranger, celle qui indiquera à la justice la voie qu'elle devra suivre. Il n'y en a pas deux, il n'en existe qu'une, c'est ou celle du déshonneur ou celle du malheur, la fuite ou l'assassinat. » Martin Numa dit alors à M. Defel, « Je vous remercie des renseignements que vous venez de me donner. Sont-ils suffisants ? Pour le moment, oui. Je vais pouvoir commencer mon enquête. » Il demanda encore. « Pouvez-vous m'ouvrir la porte du box de Vidal ?»« Facilement. » On possédait une double clé de tous les guichets, de tous les box. Par guichet, on entend non seulement la petite porte percée dans la grille, qui met en communication le public avec les employés, mais cette sorte de cage, le box affecté à chaque employé. Pendant qu'on ouvrait la porte, Martin Numa exprima le désir d'être seul avec ses agents, pour effectuer ses recherches, et pria M. Defel de congédier tout le personnel et de ne retenir qu'un ou deux employés. M. Defel accéda à ce désir. Peu après, le hall était évacué silencieusement. Il ne restait là que Martin Numa, Prosper, Philippe, moi, M. Defel, le commissaire de police du quartier et son secrétaire. Martin Numa, alors, pénétra dans le guichet du père Éloi Vidal. À une patère était accroché le veston que portait à la ville le garçon de recette, nous le savons déjà. Martin Numa fouilla dans les poches et mit sur une petite table où Vidal rangeait ses sébilles, sa caisse à billets, ses balances et faisait ses comptes, divers papiers, des lettres et différents objets. Martin Numa était observateur au suprême degré. Son esprit l'amenait à tirer des déductions logiques des choses les plus hétéroclites en apparence, à trouver des preuves implacables, à obtenir des résultats inattendus dans ce qui paraissait n'être rien, n'avait aucune valeur.